الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله aujourd'hui on entre dans le dixième cours de notre livre مئة سؤال وجواب في العقيدة 200 questions-réponses dans la croyance du musulman. Et la semaine dernière on a parlé des deux catégories de shirk, d'association. L'association majeure et l'association mineure. On a parlé, en fait, en ce moment, on est en train de traiter les piliers de la foi, arkan et l'iman. Et on est dans le premier pilier de la foi. Premier pilier de la foi, c'est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, avec toutes les questions qu'on a lues dans le cours passé, on a eu en détail le sens du pilier de la foi, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que la foi en Allah? La réponse dans les cours qu'on a fait. Et parmi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire qu'il est le seul à mériter l'adoration, le fait de croire que la seigneurie lui revient subhanahu wa ta'ala. La seigneurie, c'est tous les actes que seul Allah est capable de faire, comme créer, comme donner la subsistance, comme guérir, comme guider, égarer, comme venir en secours, comme faire tomber la pluie, donner des enfants, etc. Tout ce que seul Allah est capable de faire, on n'a pas le droit de croire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut le faire. D'accord ? Comment ça s'appelle cette croyance ? Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Le fait de croire que seul Allah est capable de faire ces choses-là. Allah a dit dans le Coran, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Lorsqu'Allah veut quelque chose, il n'a que dire soi pour que cette chose existe. Celui qui a pour croyance que autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de dire soi pour qu'une chose existe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du shirk, de l'association. Dans quoi? Dans le roubi, dans la seigneurie, dans ce dont on est en train de parler. D'accord? Ensuite, la 50e question de la semaine dernière, c'était ma dhiddu tawhid al-rububiyya. Qu'est-ce qui contredit l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie? La réponse, c'est de croire que autre qu'Allah est capable de faire une de ces choses que seul Allah peut faire. Celui qui croit que autre qu'Allah crée ou donne la subsistance ou guérit ou guide ou égare ou donne les enfants ou fait tomber la pluie et toutes ces choses-là, il a fait du shirk. Ensuite, on avait lu la réponse la semaine dernière et à la fin de la réponse, il manquait un hadith qu'on n'avait pas lu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني من واحدا منهما أسكنته ناري. » Celui qui peut m'expliquer ce hadith, je le récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donc ici déjà il parle de deux choses, al-azama wa al-kibriya, et deux autres choses, al-izar wa al-rida. Bon, on va traduire le hadith en français déjà. Il dit que Al-Azama, il n'y a pas un mot exact pour le traduire, mais c'est à peu près l'immensité ou la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Izari. Allah dit Al-Azama, c'est-à-dire l'immensité ou bien la grandeur, c'est mon pagne. Le pagne, vous savez ce que c'est, le Izar? Lorsque les gens ils vont faire le hajj ou la umra, ils portent deux vêtements blancs, un en dessous et un en haut. Celui qu'on porte en dessous, ça s'appelle comment? Al-izar. Celui qu'on porte au-dessus, ça s'appelle al-rida. En français, celui qu'on porte en dessous, ça s'appelle le pagne. Et celui qu'on porte en haut, ça s'appelle le manteau. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal ici, il dit la grandeur ou bien l'immensité, on va dire la grandeur, est mon pagne. Ensuite il dit, et la fierté est mon manteau. Celui qui veut me concurrencer dans une de ces deux choses-là, je le ferai entrer au feu. Allah Azza wa Jal ici nous enseigne qu'il a deux choses, al-azama wa al-kibriya, wa minhuma al-isman al-azim wa al-kabir. Allah Azza wa Jal, il a deux noms, al-azim et al-kabir. Ces deux noms là ils veulent dire qu'Allah Azza wa Jal, il a deux choses, al-azama, c'est à dire qu'il est immense, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, il est immense dans ses ordres, il est immense avec son Coran, il est immense dans la religion à laquelle il nous appelle, il est immense dans tout, Azza wa Jal. Il n'y a pas plus grand qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, al-kibriya, c'est-à-dire la fierté. Et Allah, Azza wa Jal, ici, il nous dit que la grandeur, c'est mon pagne. Et la fierté, c'est mon manteau. Celui qui veut me prendre une de ces choses-là, je le fais entrer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire comprendre dans cette parole que c'est lui le plus grand, le plus immense, subhanahu wa ta'ala, et que il est le seul à avoir la fierté, subhanahu wa ta'ala, et que celui qui cherche à se sentir immense ou orgueilleux, Allah le fera entrer en enfer. Celui qui veut concurrencer avec Allah dans une de ces choses-là, Allah le fera entrer en enfer. Pourquoi ici Allah Azza wa Jal il a dit mon pagne, izari, et mon manteau, ridai? Parce que imagine-toi celui qui fait le hajj, quand il met ses deux vêtements, c'est la chose qui a le plus collé contre lui, d'accord, et c'est une chose qu'il porte, jamais de la vie il voudra le partager avec quelqu'un d'autre, vous voyez? Et bien Allah Azza wa Jal il voudra jamais partager al-azama ou al-kibriya avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a pris cet exemple-là. C'est-à-dire que celui man arad an yata'azam amam Allah ou an yatakabbar amam Allah, Allah yudkhiluhu an-nar. Celui qui veut s'enorgueillir devant Allah ou se sentir immense devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le fera entrer en enfer. On comprend donc qu'Allah Azza wa Jal huwa al-azim al-kabir. La 51e question, su'al al-wahid wal-khamsoun, ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ Donc, quelle est la définition de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs? Pourquoi cette question? Parce que ici, on est en train de parler de l'iman billah, de la foi en Allah, et d'expliquer qu'est-ce que la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. On a dit que la foi en Allah, dans ce livre, il nous explique que la foi en Allah, c'était quatre choses. Al-iman bi wujudillah, la foi en son existence. Al-iman bi rububiyyatihi, la foi en la seigneurie. الإيمان بألوهيته أي باستحقاقه للعبادة la foi au fait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et la quatrième chose, c'est celle dans laquelle on entre, qui est la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal il nous a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, il nous a donné des moyens pour se rapprocher de lui et des moyens pour le connaître, pour savoir qui on adore, subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand moyen qui mène à la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de connaître ses noms et de les comprendre, de comprendre leur sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie de la foi en Allah d'avoir la foi en ces noms-là et au sens de ses noms. C'est pour ça qu'ici il a dit quel est le sens de la foi au nom et aux attributs d'Allah. Et on va lire sa réponse, ensuite on va expliquer ce qu'il veut dire. Al-jawab huwa al-iman bima wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min al-asma' al-husna wa sifat al-ula wa imraruha kama ja'at bila kayf كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Donc il nous dit, et bien sûr ici c'est encore une réponse détaillée, et dans les cours d'avant on a dit que le meilleur à chaque fois, quand c'est une définition, ta'rif, il faut que ça soit court, pour que la personne puisse la retenir et ensuite comprendre l'explication. Nous, on va donner un ta'rif, une définition courte, et après on va expliquer celle-là. Et on va faire comme si que celle-là c'était l'explication de la définition qu'on va donner. Al-Muhim, la foi au nom d'Allah, aux attributs d'Allah, huwa ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi. Croire qu'Allah est seul dans ses noms et dans ses attributs. Ça, c'est le sens de la foi au nom d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant cette définition? La réponse, ce que le shir ici, il donne. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le fait de croire au nom et aux attributs par lesquels Allah s'est décrit. Et par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Subhanahu wa ta'ala. Les noms parfaits d'Allah et ses grands attributs. On va expliquer tout ça. Donc, le musulman, il doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est présenté à ses serviteurs, à ses ibad. Comment il s'est présenté? Il leur a dit les noms qu'il a. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit croire à tous les noms d'Allah qu'Allah nous a donné dans le Coran. Alaykum salam. Ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné dans les hadiths qui sont authentiques. Il doit croire à ces choses-là. Et ici, il nous a donné une règle. Il a commencé par nous donner une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut les prendre que dans le Coran ou dans la Sunna ou dans les paroles des Sahaba radiyallahu anhu. Ça, le domaine des noms d'Allah azza wa jal, ce n'est pas une question où il y a de l'ijtihad, où il y a un effort d'interprétation, comme certaines questions dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans la salat, dans l'wudu, dans la zakat, dans le hajj, etc. Quand on parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut connaître les noms d'Allah ou les attributs d'Allah ou la description qu'Allah azza wa jal nous donne que si on la voit dans le Coran, dans le Coran, ou bien dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans les paroles des compagnons qui sont authentiques. Pourquoi? Parce que ça, c'est du domaine de l'invisible. Et on ne peut pas réfléchir et déduire et comprendre. On est obligé d'avoir une information sûre. Et cette information sûre, c'est celle qui vient d'Allah et du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, on doit croire à ces choses-là, à ses noms et à ses attributs. Et aussi quand elles viennent de la parole des sahaba radiyallahu anhum. Quand un nom d'Allah vient de la parole d'un sahabi, c'est-à-dire d'un compagnon du prophète alayhi wa sallam, on doit croire que c'est un nom d'Allah, même si c'est pas venu dans le Coran ou dans la Sunna. Pourquoi? À partir du moment où la parole du compagnon elle est sahiha, elle est authentique, forcément c'est le prophète alayhi wa sallam qui lui a dit. Parce que le sahabi, il parle pas d'Allah azza wa jal en réfléchissant. Il parle d'Allah si on lui a dit. C'est pour ça que il y a parmi les noms d'Allah ce que Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ils ont rapporté, al-a'az al-akram. Ça c'est pas le prophète alayhi wa sallam qui nous a donné ces deux noms là. C'est Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Zubayr. D'accord? Mais à partir du moment où cette parole elle est authentique, forcément c'est le prophète qui leur a dit ça. Quand un compagnon il parle de quelque chose dans l'invisible et que sa parole elle est correcte, c'est comme si c'est un hadith. C'est le prophète alayhi salam qui lui a enseigné ça. Donc nous on doit croire au nom et aux attributs d'Allah azza wa jal. Wa imraruha kama ja'at bila kayf kama jama'a Allah ta'ala bayna ithbatiha wa nafi at-takyif 'anha fi kitabihi. Et aussi, maintenant, c'est la première chose. On doit croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire au nom et aux attributs? Chaque nom, il a un attribut. Par exemple, Allah azza wa jal, parmi ses noms, Al-Karim. Ça, c'est un ism. Mada nafham anna Allah indahu Al-Karam. Al-Karam sifa. Allah azza wa jal, Rahim. هذا اسم ماذا عنده الرحمة هذا اسم هذا صفة الله سبحانه وتعالى il a des noms et dans chaque nom il y a un attribut. Par exemple, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Karim qui veut dire le généreux. Donc on comprend qu'Allah a la générosité. Le généreux c'est un nom, la générosité c'est un attribut. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, le miséricordieux. Donc on comprend qu'Allah a la miséricorde, Ar-Rahma. Donc Ar-Rahim c'est un ism, Ar-Rahma sifa. Al-Iman bil-Asma wa sifat, bil-Rahim wa rahma, bil-Karim wa al-Karam. On doit croire au nom d'Allah et aux attributs que ces noms ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où est-ce qu'on les prend? Dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des Sahaba radiyallahu anhum. Est-ce qu'on peut réfléchir et trouver un nom d'Allah? Est-ce qu'on peut déduire un nom d'Allah par la réflexion, même si on est la personne la plus intelligente? La réponse, non. Après cela, nous on a compris qu'on peut comprendre les noms d'Allah et les noms du prophète alayhi wasallam en apprenant cela dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des Sahaba. Ensuite, à partir du moment où on a eu l'information sur des noms d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui nous est demandé de faire en tant que croyant et musulman? On doit y croire comme ils sont venus. Sans comment? Qu'est-ce qu'on veut dire par sans comment? C'est-à-dire on ignore le comment. Il y a un comment mais nous on l'ignore. On ignore la modalité. On ignore le comment. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a parmi ses attributs Ar-Rahma, parmi ses noms Ar-Rahim, parmi ses attributs Ar-Rahma. Nous en tant que musulmans, il nous a demandé de croire Ar-Rahim, le tout miséricordieux, Ar-Rahma, la miséricorde, en ayant lu cela dans le Coran ou dans la Sunna, et on ignore comment est la miséricorde d'Allah. On sait que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a englobé toute chose et que c'est la miséricorde la plus parfaite, et qu'il n'a aucun égal, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde. Mais le comment, on ne peut pas le concevoir. D'accord? Allah, subhanahu wa ta'ala, a, parmi ses noms, Al-Karim. Donc, il a Al-Karam, c'est-à-dire la générosité. On sait ce que veut dire la générosité. On sait qu'Allah est généreux, on sait que la plus grande de toute la générosité est celle d'Allah Azza wa Jal, mais on ne sait pas comment. Vous avez compris? Je vous donne un autre exemple qui va être plus clair. De toute façon, ces exemples-là aussi, ils sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a al-mulk, huwa al-malik, Azza wa Jal. Parmi les noms d'Allah, al-malik, le roi. Qu'est-ce que ça veut dire le Malik? Alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma baynahuma. Celui qui a la royauté, à qui appartient les cieux, la terre et ce qui s'y trouve entre eux. On sait ce que veut dire la royauté. Et on sait que la royauté d'Allah Azza wa Jal, c'est la royauté parfaite et qu'il n'a aucun égal dans ça. Subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tu connais l'étendue de la royauté d'Allah Azza wa Jal? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout ce qu'Allah possède. Mais tu sais qu'il possède tout. Wadih? C'est clair. Donc lorsqu'on voit un des noms d'Allah, ou bien un des attributs d'Allah Azza wa Jal, on doit y croire. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment c'est. Wadih? C'est clair. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets, justement, c'est lui qui nous enseigne ça. Parce que là, on est en train de parler d'Allah. On ne peut pas parler de ça sans connaissance ou sans preuve. Donc c'est pour ça que on va lire ici les preuves de ce que on est en train d'en prendre. Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, dans très nombreux versets dans le Coran, il nous donne ses noms, ses attributs, et en même temps il nous dit que rien n'est pareil à lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: "Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma." Donc il nous dit qu'il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ma bayna aydihim ay amamahum wa ma khalfahum wa ma khalfahum. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Ensuite, quand il parle des serviteurs d'Allah, quand il parle de ses serviteurs, il dit wa la yuhituna bihi ilma. Et regarde comment c'est traduit en français, Ibrahim. Alors que même ne le cernent pas de leur science. Voilà, alors que l'homme ne cerne pas Allah Azza wa Jal de sa science. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toute la science sur Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est à peu près le même verset que dans Ayat al-Kursi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah n'ont de science ou de connaissance sur Allah que ce qu'Allah leur a donné. Tu ne connais sur Allah que ce qu'Allah t'a donné comme information sur lui. C'est ça que ça veut dire. Et en même temps, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il nous dit que il a la science. Ya'lam, idhan 'indahu al-'ilm. Donc Allah Azza wa Jalla, il, puisqu'il a la connaissance de toutes les choses, il a la science, il a la connaissance. Et en même temps, juste après qu'il nous ait enseigné qu'il a la connaissance, il nous dit que nous, on ne peut pas savoir comment. Wa la yuhituna bihi 'ilma. Donc on doit croire qu'il a la science d'Allah, on doit croire qu'Allah a la science, qu'elle est parfaite, et qu'aucun a la science comme celle d'Allah Azza wa Jalla, et que toute la science vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne sait pas tout ce qu'Allah sait subhanahu wa ta'ala. Wadih, c'est clair. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla a dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire rien ne lui est semblable, rien ne lui est pareil. Rien ne lui est pareil. Wa huwa as-sami'ul basir. Et en même temps, c'est lui l'audient, le clairvoyant, c'est-à-dire celui qui entend tout parfaitement. Il n'y a aucune voix qui échappe à l'entente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune chose qui se passe sans qu'Allah azza wa jalla ne la voit subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, il nous dit que rien n'est comme lui. Mais qu'en même temps, on doit croire à ça, qu'il voit et qu'il entend. Comme l'homme voit et entend. Allah, mais l'homme voit et entend, mais la vue de l'homme et l'ouïe, l'entente de l'homme, elle a des manques. Elle a des limites. Quelqu'un, il peut devenir aveugle. Il peut devenir sourd. Ou s'il voit, peut-être qu'il voit mal. Ou peut-être qu'il voit bien, mais un jour, il va voir moins bien. Peut-être qu'il va être sourd. Peut-être qu'il va avoir une maladie, etc. Allah Azza wa Jal, il voit tout, il entend tout parfaitement. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Et Allah Azza wa Jal, quand il parle de Adam, dans Surat al-Insan, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah, dans ce verset, retourné au tafsir, il parle de Adam alayhi salam. Quand il a créé Adam alayhi salam, il a fait de lui quelqu'un qui voit et qui entend. Et ici, Allah, il a dit, لَيْسَ كَمِتِنِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est pareil à lui, et c'est lui qui entend et qui voit. Donc, c'est qui voit parfaitement, qui entend parfaitement? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a-t-il un égal dans ça? Non. Celui qui croit que quelqu'un voit comme Allah ou entend comme Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Du shirk. Dans quoi? Dans les noms d'Allah et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, Allah a dit aussi la tudrikuhu l'absar, c'est-à-dire les regards ne peuvent l'atteindre. Wa huwa yudriku l'absar, et lui atteint les regards. Wa huwa al-latif al-khabir, et c'est lui le, comment se traduit, le doux. C'est lui le doux, le celui qui est parfaitement informé subhanahu wa ta'ala. Après, donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous dit que les regards ne peuvent l'atteindre. On ne peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui il nous voit. Nous on a un manquement dans notre vue. Allah azza wa jalla n'a pas de manquement subhanahu wa ta'ala. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك أي اذكر لنا نسب ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإمام الترمذي رحمه الله rapporte un hadith selon Ubay ibn Ka'b. Lorsque le prophète a eu une discussion avec les mushrikoun, les associateurs, et qu'ils ont parlé de leur divinité, ils étaient en train de parler avec le prophète de leur divinité et de les décrire. Ensuite, ils ont dit au prophète donne-nous la lignée. Comment c'est traduit Ibrahim en français? Décris-nous ton Seigneur. Ici, ils ont dit décris-nous ton Seigneur. Mais en fait, donne-nous la lignée de ton Seigneur, wal'iyadu billah. La lignée, les parents, les grands-parents, etc. Allah Azza wa Jalla a révélé directement, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Dis, Allah est unique. Allah al-Samad. Allah, parmi ses noms, al-Samad. Al-Samad, on va le voir après, mais al-Samad, c'est un des noms d'Allah qui veut dire que tout le monde revient vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Les Arabes, quand ils avaient des chefs de tribu, ils les appelaient Samad. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un problème, toute la tribu revenait vers lui. Allah Azza wa Jal, c'est Huwa As-Samad Al-Kamil, Subhanahu wa Ta'ala. C'est le vrai Samad, le vrai vers qui toutes les créatures ont besoin de revenir. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, il ne l'a pas été. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul ne lui est égal. Ils ont dit, dis-nous la lignée de ton Seigneur, wal'ayadu billah. Allah leur a expliqué, c'est décrit dans cette sourate. Et cette sourate, qu'est-ce qu'elle a comme fadl, comme mérite? Ta'dilu thuluthal Qur'an. Elle a le mérite de un tiers du Qur'an. Quand tu récites cette sourate, c'est comme si tu as récité un tiers du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est tawhid. Naam. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans cette sourate, et que cette sourate entière remplie par du tawhid. والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورى وإن الله تعالى لا يموت ولا يورى ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبيه ولا عليل وليس كمثله شيء. Ici nous dit que le Samad, c'est celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté. Pourquoi? Parce que celui qui a été enfanté, yani il est né, il a eu des parents. Celui qui a été engendré ou enfanté, c'est pareil. Parce que celui qui est né va mourir, et celui qui va mourir va laisser de l'héritage. Et Allah Azza wa Jal ne va ni mourir ni laisser de l'héritage, et rien ne lui est égal. Il n'a aucun qui lui ressemble ou qui lui est égal, subhanahu wa ta'ala. Donc la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire en toutes les informations qu'Allah nous donne lui concernant, en prenant ces informations dans le Coran ou la Sunna ou la parole des compagnons radiyallahu anhum, et de la laisser telle qu'elle, sans chercher le comment, car le comment est une chose qu'on ne peut pas atteindre. Vous avez compris? Taïf. السؤال الثاني والخمسون ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ La 52e question. Quelle est la preuve qu'Allah a des noms parfaits dans le livre et dans la Sunna? الجواب قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah Azza wa Jal, dans la réponse, dans Surat Al-A'raf, nous dit: et à Allah appartient les noms les plus parfaits. Fad'uhu biha. Invoquez-le donc par ses noms. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Et délaissez et écartez-vous, bien abandonnez ceux qui ont mécru en ses noms. Ceux qui ont mécru en ses noms, ils seront rétribués. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il va les punir parce qu'ils n'ont pas cru. وقال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. Allah dit dans ce verset de l'invoquer en disant son nom, ya Allah, ou bien en disant ar-Rahman, peu importe le nom qu'on utilise pour l'invoquer, certes il a les noms les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. Allah, nul divinité n'a le droit à l'adoration par lui, il a les noms les plus parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire al-asma al-husna? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Allah a les noms les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal, parmi ses noms, on répète al-karim, d'accord? On va dire ar-rahim. Parmi ses noms, ar-rahim. Ar-rahim, c'est celui qui a la miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la rahma, c'est le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les serviteurs d'Allah, ils peuvent être miséricordieux? هل يمكن لعبد من عباد الله ان يكون رحيم؟ C'est pas tout de suite ça. La question pour l'instant, c'est quoi? Est-ce que, mais ça c'est le haq. Je voulais le dire. Mais la question, est-ce que quelqu'un il peut être rahim pour l'instant? Oui, oui ou non? Non. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Voilà. Allah Azza wa Jalla, il parle du prophète, alayhi salam, il dit وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et il est envers les croyants miséricordieux. C'est quoi qui l'empêche de répondre à cette question? C'est qu'il pense que quand je dis est-ce qu'il est possible à un serviteur d'être miséricordieux, ça veut forcément dire qu'il est miséricordieux comme Allah. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à répondre à cette question. Mais la réponse c'est oui, il est possible à quelqu'un d'être miséricordieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors le nom parfait? C'est là qu'on comprend ce qu'à dire le nom parfait. Qui est-ce qui a la miséricorde parfaite? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire al-asma al-husna. Un autre exemple. Allah Azza wa Jalla parmi ses noms al-karim, celui qui est généreux. Donc qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on appelle la générosité. Est-ce que toi tu peux être généreux ou pas? Na'am. Donc est-ce que je peux t'appeler karim? Est-ce que je peux dire hadha rajulun karim? Na'am. Je peux dire cet homme-là est un homme généreux. Donc qui est-ce qui a la générosité parfaite? C'est Allah Azza wa Jalla. Ta générosité à toi, elle a des limites. Tu es généreux, mais des fois, il se peut que tu sois généreux, mais tu n'as pas quelque chose à me donner. Il se peut que tu sois généreux, mais qu'au bout d'un moment, tu en as marre. Il se peut que tu sois fatigué. Il se peut que tu sois généreux envers certaines personnes et pas envers d'autres. Allah n'a pas toutes ces choses-là. Allah, elle a la générosité parfaite. Elle n'a pas de limite. C'est ça que ça veut dire al-asma al-husna. Lahu ahsan al-asma wa ahsan al-sifat. Subhanahu wa ta'ala. Wadih, c'est compris? Allah a dit dans ce verset walillahi al-asma al-husna. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus parfaits. Ar-Rahma, ahsan ar-Rahma, rahmatullah. Ahsan al-Karam, karamullah. Ahsan al-Mulk, mulkullah. Wa hakadha. Hein? Quoi? Comment? Non. Okay. Donc Allah Azza wa Jalla dit fad'uhu biha, invoquez-le donc par ses noms. Ma ma'na ud'u Allah bi asma'illah. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Allah il nous dit qu'il a des noms parfaits et il nous dit de l'invoquer avec ses noms. Ya Ibrahim, Ya Malik, Ya Nu'man. Qu'est-ce que j'ai fait là? Shirk. Non, là, je vais faire du shirk, je suis en train de t'apprendre qu'il ne faut pas faire du shirk. Qu'est-ce que j'ai fait? Rappeler les personnes. Même quand quelqu'un il enseigne que le shirk c'est grave, il n'a pas le droit de donner des exemples et de dire ah, par exemple il invoque autre qu'Allah Azza wa Jalla et après il dit non. Donc là je vous ai appelé. Comment je vous ai appelé? Je vous ai appelé par vos prénoms. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le verset de l'invoquer, de l'implorer, de lui demander ce dont on a besoin par ses noms. Donne-moi un exemple, Ibrahim, d'invoquer Allah par ses noms. Dans un contexte ou juste n'importe. Toi, par exemple, si tu as fait un péché, tu demandes la miséricorde, mais Ya Rahman. Voilà, par exemple. Ya Rafir. Je voulais pas que tu me dises ça tout de suite, mais c'est bon. Ya Rafir. Ya Rafar. Par exemple. Ya Wadud. Ya Razzaq. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Karim. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Da'awtullah bi asma'ihi. J'ai invoqué Allah par ses noms. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Maintenant, quand Allah Azza wa Jalla nous demande de l'invoquer par ses noms, il y a une chose à savoir. C'est que nous, quand on invoque Allah, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye tout le temps de prendre le nom qui correspond à la demande. تستعمل تذكر الاسم المناسب لدعائك. تريد الرحمة تقول يا رحمن ارحمني. تريد الرزق تقول يا رزق ارزقني. لا تقول يا رحمن انتقم من اعدائك. هذا خطا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'on l'invoque par ses noms en utilisant les noms qui correspondent à notre demande. Par exemple, tu veux qu'Allah te pardonne, tu dis ya ghaffar irfir li, ô toi qui pardonne, pardonne-moi. Tu veux qu'Allah te donne la subsistance, la santé, l'argent, etc., tu dis ya razzaq urzuqni, ô toi qui donne la subsistance, donne-moi la subsistance. Et c'est une erreur d'invoquer Allah en demandant une chose, en employant un mot qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux. Par exemple, tu as été victime d'une injustice. Tu veux invoquer Allah contre celui qui t'a fait du mal. Tu demandes à Allah le secours. Là, il faut que tu emploies les noms d'Allah qui parlent de la force, tu dis Ya Qawi. Ya Qawi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tu emploies les noms d'Allah qui parlent de ces choses-là. Tu dis pas Ya Rahman, ô toi qui es miséricordieux, venge-toi pour moi. Vous avez compris? Si tu sais pas, hein? Parce que si tu sais pas, par exemple, un des attributs, non. Correspond, par exemple, à quelque chose, est-ce que le fait de penser Allah, est-ce que Allah. Exactement, exactement. Allah. Exactement. Ya Allah ou Allahumma, nafs al-ma'na tamaman. Allahumma bima'na Ya Allah. Tu dis Ya Allah. Quand tu dis Ya Allah, là tu peux le dire dans tout. Pourquoi? Parce que Allah, il veut tout dire, tous les autres noms. Parce que tous les autres noms d'Allah, tafsir les kalimat Allah, sont une explication du nom Allah. Tu vois? Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a des noms, que ces noms ils sont parfaits et qu'on doit l'invoquer avec ces noms. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de deux manières. Soit on l'invoque en lui demandant directement Ya Rahman, irhamni, Ya Mu'ti, a'tini, ou toi qui donne, donne-moi, toi qui fais miséricorde, fais-moi miséricorde. Ou bien, on invoque Allah par ses noms en mettant en pratique le sens de ce nom. Tutabbiq ma'na hadha l'ism, tad'u Allah bi hadha l'ism. Tu mets en pratique le sens de ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal, ici, a le nom, par exemple, de... Donnez-moi un nom d'Allah. Hein? Al-Haq. Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Haq, la vérité. Car Allah Azza wa Jal est vérité. Tout ce qui vient d'Allah est vrai. Il est vrai, subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna... بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Il en est ainsi car Allah est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors de lui est nul. Donc toi tu veux demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu fais? Allahumma anta al-haq al-mubin, la ilaha illa ant. Tu invoques Allah azza wa jalla en disant oh Allah c'est toi la vérité subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu m'as promis que tu vas m'exaucer. Qulta fi kitabika ud'uni astajib lakum. Tu as dit dans ton livre, demandez-moi et je vous exaucerai. Wa anta al-haq al-mubin fastajib li. Et toi, tu es la vérité, alors réponds à mon invocation. Là, tu as invoqué Allah en employant le nom al-haq. Maintenant, comment tu mets en pratique le nom al-haq dans ta vie? Chaque nom d'Allah doit avoir un effet dans ta vie. Par exemple, le nom d'Allah Al-Haq, quel effet il peut avoir dans ta vie, Sofiane? Na'am. Barakallahu fik. Quel effet il va avoir sur toi? Il va avoir que tu dois dire la vérité parce que ton Seigneur, هو الحق. يحب الحق ولا يحب الكذب. فأنت تطبق هذا الاسم بأن تكون صادقا. Comment tu mets en pratique ce nom en ne disant que la vérité? Donne-moi un autre nom. Al-Ghani. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghani. Comment tu demandes à Allah par ce nom? Qu'est-ce que tu peux demander? Al-Ghani, c'est-à-dire le riche. Le riche, tellement qu'il est riche, il n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Talab al-Ghina, par exemple. Tu lui demandes la richesse. Pourquoi? Parce que c'est lui Al-Ghani. Comment maintenant tu mets en pratique Al-Ism Al-Ghani? Non, tu faut travailler. Hein? Il y a un verset qui répond à cette question. Zakat wa salam. En donnant la zakat et la sadaqa, naam. Mais moi, par exemple, hein? Le din. Hein? Hada Ivan. Tu te passes des gens. Pourquoi? Allah, Rabbuka huwa al-ghani, la tahtaj ila an-nas, tahtaj ila al-ghani. Fatastaghni 'an an-nas. Tu te passes des gens parce qu'Allah est riche. C'est de lui que la richesse provient. Donc tu n'as pas besoin d'autre que lui. Une autre chose, qu'est-ce que ça va avoir comme effet ça? Tu donnes, ils ont déjà dit. Une autre chose. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Limadha? Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Antum fuqara. La budda an taraw anfusakum fuqara dhalilin amama 'azamatillah. Fattawadhu' ma'a Allah. Tu dois être modeste envers Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est lui le Ghani. Si tu crois que toi, tu es riche ou que tu as tout, etc., Allah, c'est de lui que vient toute la richesse. Et c'est à lui que revient toute la richesse. Donc tu te dois de te sentir dans le besoin d'Allah, pauvre envers Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire, vous avez besoin complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Wallahu huwa al-ghani wal hamid. Et Allah, c'est lui al-ghani. Al-ghani, c'est lui qui a la richesse parfaite, totale. Donc, puisqu'Allah azza wa jalla, la richesse parfaite et totale, ça doit avoir un impact dans ta vie. Qu'est-ce que c'est? Tu dois être modeste avec ton Seigneur. Et tu dois tout le temps sentir que tu es dans le besoin de ton Seigneur. Donc chaque nom d'Allah Azza wa Jal, il a un effet dans la pratique de la personne. C'est pour ça qu'on a dit les noms d'Allah sont en même temps des noms et des attributs. Il y a une description. Cette description, si tu la comprends directement, elle aura un impact dans ta vie. Par exemple, donne-moi un autre nom d'Allah. Ça y est. Al-Adl. Ça, c'est un des noms d'Allah, Azza wa Jal. Inna Allaha hakamun adl. Certes, Allah, il est juste. Donc, qu'est-ce que toi, par exemple, tu veux invoquer Allah, Azza wa Jal, avec ce nom? Comment tu vas l'invoquer? Ya Allah, zalamani fulan, wa anta al-adl, la tuhibbu dhulm, a'tini haqqi. Oh Allah, un tel m'a fait de l'injustice. Et toi, tu es le juste, tu n'aimes pas l'injustice. Rends-moi ce qu'il m'a pris. Et comment tu mets en pratique le nom d'Allah al-Adl? En étant juste dans ta vie. D'accord? C'est bon? On passe à un autre nom? Donne-moi un autre nom. Wadud. Al-Wadud. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadud, alladhi yatawaddadu ila ibadihi subhanahu wa ta'ala, walladhi yaj'alu baynahum mawaddatan wa rahma. Al-Wadud, c'est celui qui se fait aimer par ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala, et qui met entre eux de l'amour. D'accord? Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Certes, les croyants qui ont fait des bonnes actions, le tout miséricordieux va mettre entre eux de l'wud, c'est-à-dire de l'amour. D'accord? A'la min al-mahabba al-wud. C'est plus haut que l'amour. Donc, alaykum salam wa rahmatullah. Si tu sais que Allah azza wa jalla, c'est le wadud, parmi ces noms, le Wadud, celui qui se fait aimer et qui aime que ses serviteurs s'aiment pour le haq. Il n'aime pas que ses serviteurs s'aiment pour le batil, pour le péché, s'aiment dans la désobéissance d'Allah. Il aime que ses serviteurs s'aiment dans l'obéissance d'Allah, Azza wa Jal. Comment tu vas invoquer Allah par ce nom-là? Comment tu vas demander à Allah par ce nom-là? Ya Wadud, qu'est-ce que tu peux dire? Attends, j'ai demandé à Sofiane. Waj'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Ya Wadud, qu'est-ce que tu peux dire là? Mais je veux que tu me dises, par exemple, ij'al bayni wa bayna zawjati mawadda. Tu dis à Allah, toi qui es le Wadud, qui a l'amour et qui met l'amour entre les gens, mets l'amour entre l'homme et sa femme. D'accord? Dans un verset, il a dit qu'il a mis l'amour entre l'homme et sa femme. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jal mette de l'amour entre tous les gens mariés. Amen. Je vous dites pas amen, donc je dis tout seul. Amen. La deuxième chose, comment on met en pratique al-wadud? En étant doux. En se faisant aimer par les gens. Mais comment est-ce qu'on se fait aimer par les gens? Avec l'obéissance d'Allah. On ne se fait pas aimer par les gens en cherchant à leur plaire, en faisant un péché. On se fait aimer par les gens en obéissant à Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam, il a dit: Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid tawadd. Wa hadha ma'na al-mawadda wal-wud wa ma'na al-wadud. Le prophète alayhi salam a dit l'exemple des croyants dans les liens affectifs qu'ils ont entre eux, c'est comme un corps. C'est comme un seul corps. Mohim, on revient au sujet. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a des noms, que ces noms sont parfaits et qu'on doit l'invoquer avec ces noms. Dans plusieurs versets. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurayra. Donc ce hadith, il est connu. Allah a 99 noms. وفي رواية من الحديث 99 اسما 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1, 100 moins 1. Celui qui les numérise entre au paradis. Alors, si je vous pose la question, كم لله عز وجل من الأسماء؟ Combien Allah a de noms? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, c'est pas la réponse à ma question. Combien Allah a de noms? 99. Hein? 99. Allah, le prophète ici, il a dit 99. Toi, tu m'as dit plus. Comment t'as su qu'il a plus? Hein? Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y en a plus qui sont dans le Coran. Ah, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que qui dit qu'il y en a plus. Non, dans le Coran. Qu'est-ce que tu as dit? Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il donne. Tu peux donner une bonne réponse. Mais si tu n'as pas la preuve, il faut que tu dises rien. D'accord? Tu ne dis pas comme ça. Alors, le prophète, alayhi salam, ici, il dit qu'il a 99 noms. On comprend qu'il a 99. Mi'atan ila wahida. On comprend qu'il en a combien de noms? 99. Il a, Allah Azzajal n'a que 99 noms alors. Il t'a pris le hadith. Hein? Qu'on connaît. Non, fait le Coran, il n'a pas plus. Là, là, là. Fait le Coran, il y a 81 noms. On va dire ma'ruf, connu. Hein? Ma'ruf. Aïe, ouais? Il y a 99 connus. Ah. Allez, salam. C'est pas une information, juste. Le prophète. Exactement. C'est exactement ça. Le prophète, alayhi salam, ici, il a dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Ça ne veut pas dire qu'il a que 99 noms. Mais Allah, il nous informe que parmi tous ces noms, il y en a 99, si tu les numérises, tu entres au paradis. C'est suffisant pour entrer au paradis. Min asma'illah al-kathira jiddan indahu 99 idha hafiztaha wa fahimtaha wa amilta biha dakhalta al-jannah. Hadha ma'na al-hadith. Parmi les noms d'Allah, il y en a 99, si tu les numérises, tu entres au paradis. Donc il nous manque aussi à répondre à une question. Ma ma'na man ahsaha dakhala al-jannah. Qu'est-ce que veut dire celui qui les numérise entre au paradis? Ils les connaissent, ils connaissent les définitions et les pratiques. Certainement. Man ahsaha thalathat umur. Ihsa wa asma' Allah azza wa jalla, hifdhuha, fahmuha wa al-'amalu biha. Donc parmi les noms d'Allah azza wa jalla, il y en a 99. Si tu les apprends, tu les comprends et tu les mets en pratique, tu entres au paradis. D'accord? Tu entres au paradis. Parmi ces noms, il y en a 99. Donc Allah azza wa jalla, il y en a plus. Il nous faut une preuve qu'Allah azza wa jalla en a plus. C'est pour ça que l'auteur du livre ici nous ramène tout de suite la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a plus. Et c'est comme ça que les savants ils font. Quand ils parlent, directement leur parole elle vient avec une preuve. Et wa qala sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith rawahu Ahmad min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit: ما من عبد يصيبه هم ولا حزن فقال اللهم إني أسألك. ثم ذكر الحديث للجي. Il n'y a pas une personne touchée par un mal dans le passé ou dans le futur, puis qu'après dit As'aluka wa Allah, je te demande, je t'invoque, bi kulli ismin huwa lak, par chaque nom qui te revient, par chaque nom à toi, anzaltahu fi kitab, sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es appelé, tu t'es nommé, ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre, أو علمته أحدا من خلقك, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أخفيت عنا, ou parmi aussi les noms que tu as caché auprès de toi dans la science de l'invisible. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla il a des noms qu'il nous a pas il nous a pas donné. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ne sont pas limités à 99. Allah, il en a plus que 99. Puisque le prophète, alayhi salam, dit « Je t'invoque par tes noms et parmi ces noms, des noms que tu ne nous as pas cités. Et tu ne nous as pas informés sur ces noms-là. » « Anta ja'ala al-Qur'an rabi'a qalbi » Que tu fasses que le Qur'an soit la rivière de mon cœur et que avec le Qur'an, mes soucis s'en vont. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui dit ça quand il est touché par un souci, Allah lui enlève ses soucis. Qalu ya Rasulallah, afala nata'allamuhunna. Et les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, on doit apprendre cette invocation. Le prophète alayhi salam a dit, bala yanbaghi liman sami'ahunna an yata'allamahun. Si, celui qui les a entendus doit les apprendre. Cette dua, elle est très très importante. Après, je te la répète, Inch'Allah. Donc, on voit dans ce hadith que le prophète, alayhi salam, a plus que 99 noms. D'accord ? Comme si quelqu'un disait, j'ai 20 euros dans ma poche que j'ai préparé pour la sadaqa. Est-ce que ça veut dire que dans sa poche, il n'y a que 20 euros ? Il peut avoir 100 euros, et dans ces 100 euros, il n'y a que 20 euros pour la sadaqa. Donc quand il a dit j'ai 20 euros, ça ne veut pas dire qu'il a que 20 euros. Le prophète ici, al-Sassim, quand il a dit Allah a 99 noms, ça ne veut pas dire qu'Allah a que 99 noms. Clair ? Wadih ? Alhamdulillah. Il n'y a pas le que. As-su'al al-thalithu wal-khamsoun. La 53e question. Il nous reste combien de temps ? ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ Donc Allah Azza wa Jalla, l'auteur du livre dit, quels sont les exemples des noms d'Allah parfaits dans le Coran? Là, il est en train de nous apprendre à parler d'Allah avec preuve. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on dit un nom d'Allah, on doit le trouver dans le Coran ou dans la Sunna ou dans une parole authentique des compagnons. Alaykum salam. Parce que si le compagnon nous donne un nom d'Allah, ça veut forcément dire que c'est le prophète qui lui a enseigné. Alayhi salatu wassalam. Et dans rien d'autre que ces trois choses-là. On prend les noms, les attributs d'Allah. Le jawab, la réponse. Et là, il va nous citer plusieurs versets à chaque fois dans lesquels il y a des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mithluhu qawluhu ta'ala. Inna Allah kana aliyan kabira. Ensuite, on va lire tous ces versets-là. Et on va pas expliquer à chaque fois tous les noms parce que ça va prendre du temps. Certes, Allah c'est lui Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali Al-Kabir, c'est celui Al-Ali, ça vient de l'ulou. C'est celui qui est plus haut que tout. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'est au-dessus de lui, c'est lui qui est au-dessus de tous. Tabaraka wa ta'ala. Al-Kabir, celui qui est plus grand. Rien n'est plus grand que lui et rien n'est égal à lui dans sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana latifan khabira. Certes, Allah est ici doux et bien informé. Le nom d'Allah al-Latif, il veut dire deux choses. Des fois, il vient bima'na al-khabir. Awa la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-Latif al-khabir. Alaykum salam wa rahmatullah. Le nom d'Allah al-Latif, il veut dire deux choses. Il veut dire al-khabir, c'est-à-dire bien informé. Il a toutes les informations. يَعْرِفُ دَقَائِقَ الْأُمُورِ وَالْأُمُورِ الْمَخْفِيَّةِ عَزَّ وَجَلَّ. Il connaît toutes les choses cachées. Rien n'échappe à sa connaissance. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et la deuxième chose, اللطيف كذلك بمعنى أنه يرزق عبادهم من حيث لا يحتسبون. Celui qui donne la subsistance à ses serviteurs de là où ils ne s'en rendaient pas compte, ils ne s'attendaient pas à ça. Et l'exemple de ça, il est plus en tête. Khabiran. Donc Allah est latif et khabir. Il a toutes les informations, subhanahu wa ta'ala. Innahu kana aliman qadira. Aussi, Allah Azza wa Jal dit que parmi ses noms, Al-Alim et Al-Qadir. Al-Alim et Al-Qadir. Al-Alim, c'est celui qui a la science parfaite. Il n'y a pas une chose sans qu'Allah Azza wa Jal la connaisse et sache tout sur elle. Alors que les serviteurs d'Allah ont une science limitée. Et que même la science limitée que eux ils ont, ce n'est que ce qu'Allah leur a donné. Donc la science d'Allah, elle est parfaite. Allah Azza wa Jalla, il connaît tout. Al-Qadir, celui qui a la capacité sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yaqdiru ala kulli shay'. Yuhyi wa yumit wa yarzuq wa yu'ti wa yamna' wa yashfi wa yumrid wa yaf'alu ma yurid. Azza wa Jalla, il fait ce qu'il veut parce qu'il est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il met deux noms ensemble, quand il met un nom avec un autre, c'est pour une hikmah, c'est pour une grande sagesse. Et il y a un ma'na dedans. Et ce n'est pas par hasard. Lorsque vous voyez ici Ali, Kabir, Alim, Qadir ensemble, Allah Azza wa Jal n'a pas mis ces deux noms-là par hasard. Parce que ces noms, ils ont un sens. Et quand il les met par hasard, quand il les met en regroupé, ça les rend encore plus, ça montre comment ils sont parfaits. Je vais vous faire comprendre ça. Chaque nom d'Allah, il a un attribut qui est parfait. D'accord? Al-Aziz, Sahibul Izza. D'accord? Al-Quwwa wal-Ghalaba, ala jami' al-Khalq. Allah Azza wa Jal, parmi ces noms, Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui qui a la puissance parfaite et qui a vaincu toutes ses créatures. Et aussi parmi ces noms, Al-Hakim, celui qui a la sagesse parfaite à un point où il met chaque chose à sa place. Il ne fait pas d'injustice parce que c'est lui le Hakim. Déjà, Al-Aziz tout seul, il est parfait. Al-Hakim tout seul, il est parfait. Mais dans certains versets, Allah dit wa huwa al-Aziz al-Hakim. Et c'est lui Al-Aziz al-Hakim. Pensez-vous que c'est par hasard qu'Allah fait ça? Non, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que c'est? Allah Azza wa Jal huwa al-Aziz. والعزيز وله عنده هو من عنده العزة والغلبة على جميع الخلق فقد تظن أنه يمكن أن يظلم إذن فيقول الحكيم هو العزيز ولكن هو الحكيم فلا يظلمكم. الله عز وجل il dit que c'est l'Aziz, celui qui a la puissance, qui bat tout le monde, c'est lui qui est plus fort que tout le monde. Donc il peut venir à ton esprit, donc puisqu'il bat tout le monde et qu'il fait ce qu'il veut, il peut injustement faire quelque chose à ses serviteurs. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit, qu'est-ce qu'il dit? Al-Hakim. Il dit qu'il est le sage. Pourquoi? Parce que avec sa puissance, il est sage. Il utilisera sa puissance là où il faut et il ne fera pas d'injustice. Ça, c'est ce qu'on appelle fiqh al-asma al-husna. Wa fiqh iqtiran al-asma fi kitab Allah Azza wa Jal. La compréhension de la raison pour laquelle Allah a rassemblé des noms dans le Coran. Un autre exemple, Allah dit « Inna Allah kana afouan qadira » Al-afou alladhi ya'fou anil nas wal-qadir alladhi yaqdiru ala kulli shay. Allah Azza wa Jal dit qu'il est afou et qadir. Afou, c'est celui qui laisse passer les fautes et qui les excuse et qui les efface de ses serviteurs. Et en même temps, qadir, celui qui est capable de tout. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous met ces deux noms ensemble dans le Coran? Les gens ne font pas n'importe quoi. Ça c'est autre chose. Mais pourquoi il a mis les deux noms ensemble? Parce que quand si vous trouvez, mashallah, elle est. C'est-à-dire c'est lui qui a la puissance de châtier. Là, c'est pas ça. C'est qu'en général, quand on pardonne ou on laisse passer, c'est souvent, parfois, on n'a pas la force de pouvoir faire l'inverse. Et Allah Azza wa Jalla nous montre qui pardonne, mais il pourrait châtier. Exactement. Allez, des fois, quelqu'un te fait de l'injustice, tu n'es pas capable de te défendre, donc qu'est-ce que tu fais? Ta'afu an. Innaka la taqdir ala akhd haqqik. Quelqu'un, il t'a pris un droit. Tu ne peux pas te défendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses passer et tu l'oublies. Pas parce que tu l'excuses, parce que tu es dans l'incapacité de reprendre ton droit. D'accord? Allah Azza wa Jal, des fois, il pardonne aux serviteurs leurs péchés et il les laisse passer. Pas parce qu'il n'est pas capable de les châtier, au contraire, il est capable de les châtier. Mais ça nous montre quelque chose, c'est que Afoullah Kamil, subhanahu wa ta'ala, ça nous montre que le fait qu'Allah pardonne les péchés, chez lui, c'est parfait. À un point où il est capable de nous châtier, mais il nous pardonne quand même. Il nous pardonne quand même. Donc Allah Azza wa Jal, il dit Afou. ولكن لا لا تغتر لا تظن ان الله لا يقدر الله لا الله يقدر على ان ياخذك ويعذبك لكن يعفو عنك لكمال عفوه سبحانه وتعالى. Donc Allah il veut nous dire ici qu'il est capable de nous châtier, mais que quand même puisqu'il est afou, il va nous pardonner, subhanahu wa ta'ala. Et donc tous les versets dans lesquels il y a deux noms d'Allah à chaque fois, ce n'est pas pour rien. Il y a une hikmah dans ça. Ensuite, la plupart de ces versets, ils viennent après ayat al-ahkam. Ils viennent à la fin de versets dans lesquels il y a des ahkam, halal, haram. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois Allah Azza wa Jalla, il est en train de nous dire des choses qui sont obligatoires, d'autres qui sont interdites, et ensuite à la fin, il nous donne des noms qui nous doivent nous appeler à mettre en pratique ces ordres et ces interdits. Donc on voit une chose, c'est que la chose qui nous aide à mettre en pratique les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? La connaissance des noms d'Allah. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la plus grande de toutes les sciences. Dans l'islam, il n'y a pas une science meilleure que la compréhension des noms, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit: Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Celui qui connaît Allah par ses noms, ses attributs, l'aimera, c'est inévitable. Wa qala ba'd as-salihin, des gens pieux parmi les pieux prédécesseurs ont dit: Masakin ahlu ad-dunya kharaju min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab ma fiha. قيل وما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. Il y a un des pieux savants de l'islam qui a dit: pauvres sont les gens de ce bas monde, ils l'ont quitté sans y avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Quelqu'un a dit: quelle est la meilleure chose qu'on pouvait goûter dans cette dunya? Il a répondu: la connaissance d'Allah et l'amour pour Allah et le fait de se sentir proche d'Allah et d'être pressé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans la plupart des du'a du prophète alayhi salam, il y a des noms d'Allah à chaque fois. Adhkar sabah wal masa fiha asma Allah azza wa jal. Al-Quran mali bi asma Allah azza wa jal. Le Coran il est rempli de noms d'Allah. Les du'a du prophète alayhi salam remplis de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pourquoi? Pour te faire comprendre que la chose qui te pousse à obéir à Allah et adorer Allah le plus rapidement, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Farq bayna man yajhal wa bayna man ya'lam. Qala Allah azza wa jalla: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun?" Il y a une grande différence entre celui qui connaît et celui qui est ignorant. Allah a dit: "Est-ce que celui qui connaît et celui qui est ignorant sont pareils? À un point où plus tu as la connaissance, plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala." Allah a dit dans le verset: "Inna ma yakhsha Allah min 'ibadihi." Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui vont vraiment le craindre sont les savants. Donc plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas lui obéir tabaraka wa ta'ala. D'où l'importance de connaître le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal inna Allah kana sami'an basira. Aussi Allah azza wa jal nous dit qu'il entend tout et qu'il voit tout. Inna Allah kana azizan hakima. Certes Allah est puissant et sage. Inna Allah kana ghafuran rahima. Certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Innahu bihim raufur rahim. Certes il est envers ses serviteurs compatissant et miséricordieux. Wallahu ghaniyun halim. Et Allah azza wa jalla est riche et il indulgent. Innahu hamidun majid. Allah azza wa jalla est digne de louange et plein de gloire, Azza wa Jal. Inna Rabbi ala kulli shayin hafid. Certes, Allah Azza wa Jal préserve toutes les choses. Inna Rabbi qaribun mujib. Certes, mon Seigneur est proche et il répond. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous surveille. Wa kafa billahi wakila. Et Allah suffit comme Ibrahim? Comme garant. Wa kafa billahi hasiba. Et Allah suffit pour dresser les comptes. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Qu'est-ce que ça veut dire al-muqit? Al-muqit min asma Allah azza wa jal. Al-muqit huwa alladhi yu'ti li'ibadihi qutahum wa rizqahum fa huwa bima'na ar-razzaq. Subhanahu wa ta'ala. Al-Muqit, c'est celui qui donne la subsistance à ses serviteurs. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Certes, Allah est témoin de toute chose. Innahu bi kulli shay'in muhit. Il a englobé, il a embrassé avec sa science toute chose. Subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم parmi les noms d'Allah الحي et القيوم c'est-à-dire le celui qui a la vie parfaite et القيوم ما معنى القيوم يا عبد القيوم il subsiste par lui-même hein ما معنى القيوم آية الكرسي تعرفونها لا besoin de rien pour vivre لا يحتاج إلى شيء طيب هذا من معنى من معنى القيوم لكن أكمل من هذا il a de la valeur tous les noms d'Allah nous disent qu'Allah il a de la valeur mais c'est pas ça le قيم ça vient du même معنى القيوم لا يموت لا هذا في معنى في معنى الحي لا في معنى القيوم. Il se suffit par lui-même. Hein? Il se suffit par lui-même. القيوم هو من عنده ما يسمى بالقيومية ومعنى هذا القائم بنفسه المقيم لغيره أي يقوم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد ويقيم غيره فكلهم محتاجون إليه. القيوم ça veut dire celui qui a القيومية. C'est celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a besoin absolument de personne, mais de qui tout le monde a besoin. C'est ça qu'on appelle Al-Qayyum. Celui qui s'occupe d'une école, on va l'appeler Qayyim al-Madrasa, en arabe. Celui qui s'occupe de l'école. Pourquoi on l'appelait comme ça? C'est lui qui gère ce qui se passe dedans. Allah Azza wa Jalla huwa Qayyum al-Samawati wal-Ard. Celui qui s'occupe de tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et il n'a besoin de rien. سبحانه وتعالى وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم et parmi nous d'Allah on va s'arrêter, on va terminer et c'est lui le premier, le dernier l'apparent, le caché et il connaît toutes choses سبحانه وتعالى ما معنى الظاهر parmi les noms d'Allah عز وجل الظاهر l'apparent qu'est-ce que ça veut dire hein Qui a dit Yanvar? Non. Vahir, ça vient de Vahara. Ça vient pas de Navara. Non. Non. Qu'est-ce qu'il est partout? Non, il est. Thumma stawa ila sama. Sabbih isma rabbika al-a'la. Allah Azza wa Jalla n'est pas partout. Hada ghalatun kabir. Al-Muslim, le croyant, il a pour croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est au-dessus du septième ciel. Le prophète, alayhi salam, il a dit, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluth al-akhir min al-layl ila as-sama' ad-dunya. Idhan, ayna huwa? Huwa fawqa as-samawati as-sab'a. Allah Azza wa Jalla est au-dessus du septième ciel, fawqa 'arshih ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Allah, il est en haut de tout. Il n'est pas partout. D'accord? Tayyib. Ma ma'na adh-dhahir? Qu'est-ce que ça veut dire adh-dhahir, l'apparent? L'apparent, c'est-à-dire dans tout ce qui se passe dans les cieux et la terre c'est par rapport à sa hikma al-zahir anna Allah azza wa jal zahirun ala kulli shay ay fawqa kulli shay ma min shay'in zahir illa wallahu fawqahu subhanahu wa ta'ala l'apparent c'est celui qui est au-dessus de tout fa huwa bima'na al-ali ça vient de le ma'na de l'ali celui qui est plus haut que tout tabaraka wa ta'ala ma ma'na الباطن et après inshallah on va faire des cours inshallah sur l'explication des noms d'Allah inshallah ma ma'na al-batin c'est le contraire oui. Comment en dessous c'est soit ça ou soit ça il faut pas être le contraire hein le frère Ismaïl il a dit c'est le contraire Allah, il ne peut pas être le contraire. Il y a une chose. Il n'est qu'un attribut à Azza wa Jalla. Je ne dis pas qu'une chose. Hein? C'est quelque chose qui est caché. Le batin. Le mot batin en arabe, à la base, ça vient de quelque chose qui est caché. Mais pour Allah, quand on dit ça pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Quoi? Masha'Allah, alayk. الباطن هو الذي يعلم كل شيء هو كما قال عز وجل وهو أقرب إليه من حبل الوريد أي بعلمه بعلمه عز وجل هو الباطن فليس دونه شيء لا يمكن لك أن تختفي عن الله عز وجل لأنه الباطن يعلم كل شيء علمه في كل مكان وهو فوق السماوات السبع عز وجل الباطن le caché ça veut dire qu'il est proche de tous ses serviteurs par sa connaissance pas par lui-même par lui-même il est au-dessus du septième ciel au-dessus de son trône mais dans le sens où même si tu cherches à te cacher Allah sait où t'es même si tu cherches à cacher une niya une intention Allah la connaît même si tu cherches à cacher un péché Allah Azza wa Jalla le connaît c'est ça que ça veut dire al-batin le caché نسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم